Chapitre 5. Guillaume, tout rempli du chant et de la beauté de la sarrasine, et qui ne pouvait penser à rien d'autre, questionnait chaque nuit Isabelle, sans qu'elle se lassât de répondre. Il craignait que les deux femmes ne le jugeassent mal. « Vous trouvez peut-être déplaisant, lui disait-il, que je laisse ainsi repartir les miens et que je demeure dans Kaalat, où je suis un étranger ? J'ai peur que votre reine ne me croie un mauvais garçon, capable de se laisser séduire par le luxe et l'oisiveté. Dites-lui bien que c'est une pensée irrésistible qui m'empêche de m'en retourner avec mes compagnons. Je crois que je mourrai. Pensez-vous qu'elle me mésestime et me soupçonne de manquer à ma religion ? Toute religion nous commande de nous modeler sur les personnes célestes, et celles d'ici sont les meilleures que j'ai vues. « Laissez, petit chrétien, lui répondait-elle en riant. Ma maîtresse serait contente que vous eussiez quitté votre religion pour elle, et vous en ferez changer 36 fois pour s'assurer de sa force. Ses actes sont donc calculés. Tu vois comment elle a su prouver à l'émir que les chants qu'elle offre sont plus puissants que les divertissements chrétiens. C'est décisif, qu'après l'avoir entendu, tu ne désires plus retourner à ce que la veille tu préférais à tout. Ah, pensa le jeune homme avec tristesse, elle est habile. » Isabelle regardait avec autant d'étonnement que d'amitié les yeux de feu de ce jeune étranger, car elle n'avait pas jusqu'alors l'idée que l'on pût voir dans une femme un être surnaturel. « Ne pourrais-je pas un jour causer avec cette divinité ?» lui disait-il. « Si fait, petit chrétien. Mais en attendant, je te peins à elle avec les plus jolies couleurs, et sache qu'elle m'écoute avec curiosité, car le poète l'a dit. La cage a beau être couverte de peinture et d'ornements, l'oiseau cherche des yeux une ouverture. » Il en revenait toujours à son désir de l'approcher et de l'entendre. « Ne sois pas malheureux, lui répondait la jeune incendiaire. Cela viendra quelques jours. Tu nous verras le soir à l'heure des jardins. Quand nous sommes toutes assises autour d'elle, tu diras avec le poète, « Est-ce de la poussière de musc semée autour d'une pelouse, ou sont-ce des violettes répandues au pied d'une rose ? Quand cela sera ? Et laisse-toi conduire. » Elle agit comme les péris par des mouvements gracieux et sans violence, et rien ne résiste à sa magie. Peu de temps après, l'émir chargea Guillaume d'un service qui l'obligeait à le rejoindre dans les kiosques et à traverser fréquemment les jardins. Isabelle s'arrangea un jour pour qu'il y passât au moment où tout le harem s'y tenait. C'était aux heures douces du soir, sous le verger, une fête d'Asie. Le jardin de fleurs était devenu un paradis de filles. Toutes ces dames musulmanes, vêtues de soies éclatantes, couvertes de voiles de couleur, chaussées de brodequins dorés, parées de colliers, de fards et d'odeurs, les unes marchant avec fierté comme des paons sur les pelouses, d'autres légères comme des gazelles, la plupart assises sous un cèdre, entouraient la sarrasine. Des oiseaux de paradis autour d'un jeune aiglon. Elles mangeaient des sucreries et jouaient au tric-trac, tandis que des colombes et des perdrix rouges sautillaient et picoraient autour d'elles, et que des musiciens groupés à une petite distance de leur cercle éclatant modulaient l'air fameux. Sous les roses on joue de la harpe, sous le cyprès la flûte soupire, sous les jasmins on récite les poèmes immortels, et sous les jonquilles on cause d'amour. Le vent s'était fait magicien et mêlait les couleurs, les parfums, les rires et la musique. Isabelle vint à la rencontre de Guillaume et le conduisit par la main à la sarrasine. Il se fit un grand silence de tout le jardin. Pour voir le jeune homme, toutes les beautés s'étaient rapprochées, comme des biches, si l'on apporte à l'une d'elles un gâteau, et se tenaient maintenant immobiles autour de leur reine, comme les pétales de la tulipe autour de son cœur noir. Et celle-ci lui dit, « Sire Tristan, croyez-vous que nous sommes ici une suffisante collection de mandragores, de basilic et de turquoise, pour composer un filtre d'amour efficace ?» Toutes se mirent à rire. Alors il devina avec confusion qu'elles avaient entendu son récit de Tristan et Iseut à l'émir, et que c'étaient elles les souris de la tribune le soir du souper. Elles crurent toutes reconnaître en effet de leur beauté dans sa timidité, mais c'était uniquement la crainte que donne l'amour, car leur variété ne servait à ses yeux qu'à rehausser leur reine que seul il voyait. « Chut !» lui dit Isabelle, « ne bougez pas !» Elle était occupée à faire un point à l'écharpe de la sarrasine, et l'ombre du jeune homme tombait sur le large ruban. Ce qui fait qu'après 3 minutes, en jetant son aiguille, elle lui dit « Petit chrétien, je viens de te coudre à cette écharpe. » Et toutes d'applaudir. Les lèvres de rubis souriaient, les joues brillaient, les boucles de cheveux voltigeaient, certains regards étaient voilés par de longues paupières, et d'autres étrangement gais. Guillaume voyait les gouttes de sueur qui perlaient sur ses jeunes visages d'Orient, et comme pour comprendre ces gazouillements d'oiseaux, il était obligé, si bien qu'il sût le langage sarrasinois, de surveiller de près le mouvement de leurs lèvres. Il apercevait cette vivante humilité des jeunes bouches qui attestent aussi bien que le feu des prunelles, que des beautés, ne sont pas toutes aériennes. Cette ardeur de l'âme qui se trahit dans leur regard est leur qualité propre, comme le parfum appartient aux fleurs, le chant aux oiseaux et la rosée au matin d'automne. Ils voyaient tout cela aussi clairement qu'à leur ceinture, les nœuds de diamants, à leurs doigts les bagues et à leurs chevilles les pesants anneaux d'or. Mais ils ne faisaient attention qu'au bel œil étincelant de la sarrasine et à cet air libre et guerrier qui la mettait au-dessus de toutes. Une immense joie le pénétrait à la pensée qu'elle n'avait pas refusé que l'ombre d'un humble étranger fût cousu à son écharpe de déesse. Quand il fut parti, toutes commencèrent à le louer. Zobéide, qui était la plus joyeuse, dit en riant « Puisse-t-il être madame comme l'oiseau Homais, qui assure une fortune éclatante à celle sur qui s'arrête son ombre ?»« Bah, dit la grosse Badoura, fortune ou infortune, que je voudrais donc me réfugier sous l'ombre de ce bel oiseau. » Et toutes commencèrent à vouloir que la savante leur confiât ses secrets. Mais elle se tourna vers la sultane. « Vous ne dites rien, madame. » Elles n'en purent tirer que ceci. « Il est de bonne mine, et je suis bien aise que notre Seigneur se soit assuré un gage de cette valeur. » Isabelle rapporta à Guillaume ses propos, en taisant toutefois cette idée de gage. Et dans sa joie, il entama, comme une suite de strophes, l'éloge de toutes ces dames. « Oui, dit la sagesse en l'embrassant, chacune d'elles ferait une belle plume au chapeau d'un petit chrétien. Mais tu sais ce que dit le proverbe, bien que dans le corps de l'oiseau il n'y ait pas une plume sans emploi, pourtant la plume de l'aile a la plus grande utilité. C'est Oriente qui nous porte au ciel. » Mais pourquoi donc, songea tout haut Guillaume, semblait-elle rire tout le temps? Elle est contente de ton admiration, comme elle le serait de trouver un chant, une écharpe, un sourire que d'autres ne posséderaient pas. Nous autres femmes, l'assentiment d'un jeune homme nous attendrit. Notre âme se repose dans le sentiment d'être aimée. Elle doit être un peu mobile. Rassure-toi, il y a chez elle un point fixe. Lequel donc? La volonté de nous dominer tous. Guillaume désirait ardemment rencontrer de nouveau la sarrasine, et cette fois causer avec elle. Isabelle s'y prêta. Elle lui dit une nuit d'avoir soin de traverser le jardin, dans la prochaine soirée, à l'heure où chante le muezzin. Il fut exact et les vit venir toutes deux, si gaies et si nouvelles qu'il croyait ne pas les reconnaître, leurs voiles rejetées en arrière, parlant et riant à tue-tête, faisant lever et fuir les oiseaux et les papillons. S'étant approché, il remercia la sarrasine de lui avoir donné une amie comme Isabelle, avec qui il pouvait développer ses sentiments les plus secrets. Elle répondit qu'elle était heureuse d'avoir contribué à attacher à l'émir et au royaume par cette agrafe d'opale un fidèle ami. Bientôt, ils eurent leurs ententes. Guillaume était prévenu des heures où la sarrasine se promenait dans les jardins. Arrivait-il à l'avance, il cherchait le coin d'où il l'apercevrait le plus tôt et le mieux. Il aimait ce lent coup de poignard de la voir s'avancer paisiblement et longuement quand elle sortait de son pavillon et sous des alternatives de lumière et d'ombre suivait la longue allée de feuillage. Si la petite cour prenait place sur les tapis de la pelouse, il osait peu à peu y passer des minutes plus longues, et c'était alors entre Oriente, Isabelle et lui une correspondance mystérieuse de gestes, de regards, de silences. Toutes ces femmes aimaient le jeune homme à cause de la distraction que son roman apportait dans la monotonie du sérail, et il respirait auprès de chacune d'elles un peu du parfum de leur reine. Mais Oriente parmi elles, toutes, faisait l'image la plus claire, rien d'inquiet ni de fiévreux, quelque chose d'aérien, une figure d'enfant que soulevait une joie immatérielle et dont le visage rieur rayonnait lumineusement. La nuit les surprenait parfois dans ces fêtes champêtres, car la douceur et la pureté du climat auraient permis de dormir en plein air. Alors il pouvait arriver qu'un émissaire du sultan vint chercher la sarrasine. Les autres femmes se réunissaient autour de Guillaume et cherchaient à l'enlever à ses pensées. Zobéide par sa gaieté vive, Badoura par sa franchise et sa cordialité, Isabelle en lui répétant que la sarrasine avait pour lui la plus profonde amitié. Ainsi des jeunes plants de coudriers s'entrelacent pour former l'abri d'une charmille. Insensible empoisonnement par la musique, les couleurs, la poésie et le désir, chaque jour lui versait quelques gouttes du mal dont il n'eût pas voulu guérir. Ces jardins fascinaient son âme et le rendaient sourd aux avertissements que le destin ne refusait jamais à ses pires victimes.